C'est la saison des prix en Belgique. Commençons par le Grand Prix UPCB. À l'instar de l'UCC début janvier, l'UPCB, acronyme de l'Union de la critique cinématographique belge, a attribué son Grand Prix. Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan a emporté la majorité des suffrages des membres de l'association. Il était opposé à Dunkerque de Christopher Nolan, La La Land de Damien Chazelle, Loveless d'Andrzej Sviangtsev et Moonlight de Barry Jenkins. Le prix Humanum a quant à lui été attribué au film belge In Syriated, une famille syrienne pour le titre en France, de Philippe Van Leeuw, dont je vais vous reparler plus loin. Les machins, ce sont les petits prix du cinéma belge. Organisés depuis maintenant 7 ans, ils sont attribués lors d'une soirée placée sous le signe de l'humour et de la dérision. Une moule dorée fait office de trophée. Je ne vous détaille pas le palmarès, je vous renvoie pour cela sur www.cinema.net, cinéma orthographié avec un 6. Mais je vais tout de même vous citer l'intitulé de quelques catégories. Le machin du jeton de présence, le machin de la speakerine à temps partiel ou encore le machin de la suite. Les Magritte sont l'équivalent des Césars en France. Organisés par l'Académie André Delvaux, ils célèbrent le cinéma belge francophone. Une autre cérémonie est organisée en Flandre, les Ensors, qui se déroule à l'automne. Beaucoup dans le cinéma belge souhaiteraient une cérémonie unique, mais il y a des blocages, surtout du côté politique. Les Magritte 2018, retransmis pour la première fois par la RTBF, la chaîne publique, ont consacré In Syriated. Nommé à 6 reprises, le film de Philippe Van Leeuw a fait carton plein en remportant 6 trophées. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original ou adaptation, meilleure image, meilleur son et meilleure musique originale. Écoutons le réalisateur nous parler du cinéma belge et du destin de son long métrage. Si vous voulez, cette identité, ce qui était aussi une facture belge, où on disait, il y avait cette dérision, il y avait ce sens du le surréalisme à la belge, des choses comme ça. Ça a un peu vécu quand même, parce qu'on parle d'autres choses maintenant, on parle de choses, que ce soit Lucas Bellevaux, Strecker ou moi, on parle de choses qui sont très contemporaines, qui sont des sujets importants, des sujets d'actualité, de société, et voilà. Et même les Dardennes, on est... Quand je vois Émilie Dequesne maintenant ou dans Rosetta, je suis ému de la même manière par la beauté de la femme, la façon dont elle est totalement bouleversante et envoûtante. Et j'ai l'impression que c'est du cinéma tout court, quoi. C'est pas juste un label belge. Et tant mieux si c'est belge. Bah écoutez, j'ai eu le bonheur de pouvoir présenter le film à l'ONU il y a 3 jours. J'étais à New York mardi pour le présenter et on me parle de le présenter maintenant, éventuellement, on verra bien si ça se fait, hein. On me parle de le présenter aux négociateurs sur la Syrie, à Genève. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, d'une part, les acteurs syriens qui ont participé au film, il y a aussi d'autres personnes syriennes qui m'ont donné une sorte de validation de ce que j'avais écrit. Et puis, je peux aussi vous dire que le film va être distribué en Syrie, début mars, donc voilà. Aucun autre film n'a remporté plus d'un trophée. Le meilleur premier film a consacré, faut pas lui dire, une comédie féminine de Solange Sicurel. Le meilleur film flamand, Home, de Finn Trogg, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et le meilleur film étranger en coproduction, Grave, de Julia Ducournau. Pour la 3e fois, Émilie Dequesne remporte le Magritte de la meilleure actrice pour son interprétation d'une candidate d'un parti extrémiste dans Chez nous. Et le Magritte du meilleur acteur est attribué à Peter Van Den Beggen pour son rôle de roi dans King of the Belgians. Nos de Stefan Strecker avait été nommé 8 fois et est reparti quasiment bredouille. Quant à François Damiens, il se retrouve une nouvelle fois sans rien, ce pour la 6e fois. À la prochaine.